Lève ton vernis qui plaque, Coca-Cola. Je rentre dans ta résoie, j'allais raclif, on la rola. Ambiance chirée, déchirée sur du bon 11. À peine arrivé, avec les novices, je fais tourner une conce. Même les viseurs sont stock, ma comme des bouillards. Ma bugs là-bas, sur la pente, dans ce stomia. Qu'est-ce qu'il y a, mamma mia, c'est comme la CIA. Et pour une fois, y'a pas de média. Ce soir, c'est VIP, les deux foncés font leur entrée. Des marches à louper, bien entourés, cadavrés. Novice du vice du GSL, laisse les passer. Rien que du naturel, tu me connais, à peine rentré. Je me profile jusqu'à la piste, je suis chiré. Léger. Pas là pour faire le pitch, je suis déjà en train de bluffer. De miss en miss, madame. Hassan, je sais pas ce que j'ai, je me sens mal. T'as dû trop forcer sur champagne. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Bissing le gang. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Iron Man. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Bissing le gang. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Je me barre de cette soirée. Trop meuf à moi, obligé de me sauver. Je me retrouve en chien sur le boulevard. J'décide d'appeler Hamilcar et Jean-Richard. Hey, venez on se part à Miami, rendez-vous à Orly. Panique à l'aéroport, le staff chaud lapin. Tel tes staff, mes classes comme Arsène Lupin. Y'a ta chaîne, c'est un chaud lapin, on va bientôt décoller. Plus l'alcool monte, monte dans ma tête. Plus j'aimerais que descendre, sente la jupe de l'hôtel que je quête. J'arrête pas de lui demander des verres. Pour m'a dit ses yeux verts, elle me mate de travers. À cause de mon haleine de Jack Daniels. Sortie du bain, film Atlantis et Niels. En plus, elle a une peur bleue, des rappeurs, peur, peur. Mais moi, je suis dit que je suis un gangster. Lolo. C'est le gang show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Missing le gang show. La panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Iron Man. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Missing le gang show. La panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Iron Man. Soirée sans pain. Mec qui tape à la porte, c'est Vincenzo pour un plan à part de. Entre potes, j'apporte de l'alcool. On est al cool, ma déclip, plein de ratance. Les calmouilles dans les gorges. Le sky cool, entre bitards, y'a pas de feta. On est en pétard, pété, dans un état piteux. Dépité, comme des pites en captivité. Eh bon les mecs, nous on vous laisse, on doit s'arracher. C'est pas qu'on est déjà blessé, mais à la tête, y'a une putain de soirée. Une troisième mi-temps, dans la cage d'escalier. En skate-bas, tout très rang, à l'entrée, vêture exigée. Au QG, les sky glisse, les bédos se roulent enragés. Au point que le lendemain, certains se lèvent endommagés. Y'a danger quand c'est consommé avec abus. Abusé jusqu'à l'aube, et si on taille, c'est qu'il n'y en a plus. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Missing le gang. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Iron Man. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Missing le gang. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Iron Man. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Missing le gang. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Iron Man. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Missing le gang. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Iron Man. Show, la panance, une soirée, j'irai. Montez Iron Man. Sur la piste, c'est Missing le gang. Show, la panance, une soirée, j'irai. Un autre appel ? J'écoute ! Allô ? Y'en a là, tu vois ? Allô, Jeff, j'ai un truc à dire à l'antenne. Voilà, ma prof m'a mis 2 ans de cop parce que j'écoutais l'album Chou Lapin en cours. De toute façon, ça change rien, je continuerai à l'écouter, ça c'est du rap. Ouais.